Ça fait des mois que tout le monde attend ça. Des semaines qui s'allument par presse interposée. Et c'est ici que ça va se régler ce soir. C'est l'autoclash. Autoclash. Fatal contre Bazooka. Ça va s'insulter copieux. Ça va s'arracher les lunettes. Ça va se bouffer le cul. Ça va se lécher la chatte. Alors fais attention. Fais attention. Allez, c'est parti. Tous les coups sont permis. Roulez. Tout le monde lève les bras en l'air. C'est l'enfer, c'est le feu, c'est la mort, c'est la guerre. Tout le monde lève les bras en l'air. Ça clash, clash, ça clash, ça clash. Tout le monde lève les bras en l'air. C'est l'enfer, c'est le feu, c'est la mort, c'est la guerre. Tu fais du rap, t'es un méchant. Arrête, même ma petite s'arrête tape. Tu débarques avec ton flow de buildé. Mais vas-y, retourne montrer ton cul à la télé. T'as commencé avec Cocu Stage Dash. Alors t'étonnes pas si maintenant je te clash clash. Tu sais que t'as un don pour chier de la musique pourrie. Et tu finiras par animer des mariages avec Camini. Yeah. Et ouais mon gros, maintenant moi je fais du rap. Reste calme, t'es tout rouge, si t'aimes pas tu zappes. Je suis flatté que tu te souviennes de ma musique mon grand. Désolé, je t'attends pas le compliment. La SACM c'est ma meuf, elle me demande en mariage. Alors que toi loser, elle te prend même pas en stage. Ça fait déjà 8 mesures que tu t'énerves tout seul. En fait tu flippes parce que mon cul est plus connu que ta gueule. Parle pas de ton cul mec, parle pas de ta femme mec. T'es moi je faisais chier, elle est partie avec un autre mec mec. T'as vu ta gueule, pour toi elle était trop belle quoi. Je t'ai fait de la peine, allez va pleurer chez Fogiel. Et console-toi en comptant tes millions de dollars que t'as amassé avec ta danse des connards. En piquant l'argent des minots, t'es à l'aise, pauvre naze, avec ton pèse. D'abord je te garde, ensuite je te baise. Ah ok, pour me clasher ton arme à toi c'est les clichés. Mais attends, je vais t'aider, y'en a plein que t'as oublié. J'ai fait une école privée, j'aime bien masturber. Ma meuf je l'ai quittée parce que c'est d'Auriel Parquet. J'ai jamais braqué personne pour acheter mes skates. Le succès ça se vole pas, tu comprends que si ça continue mec, je vais te briser les os. Et je donnerai tes restes à ronger à Marco. C'est le feu, c'est la mort, c'est la guerre. Tout le monde lève les bras en l'air. Ça clash, clash, ça clash, ça clash. Tout le monde lève les bras en l'air. C'est l'enfer, c'est le feu, c'est la mort, c'est la guerre. Tout le monde lève les bras en l'air. Ça clash, clash, ça clash, ça clash. Allez, vas-y, vous passez à toi. Ouais, pour l'instant, je suis resté plutôt gentil. Ouais. J'étais un peu clashé, t'as vu sur ta zig moisi. Mais j'oublie pas ta télé pourrie, tes films pourris, tes shows pourris, tes blagues pourries. J'plains tes parents pour avoir tes nouvelles. Obligé d'attendre lundi 1,20€ dans la presse poubelle. Ton métier c'est d'être connu, tu cours après la gloire. Mais fais gaffe, trébuche pas, derrière toi y'a ma gloire. Déjà ma gloire c'est 120 kilos dans chaque coin une enclume. Il te met une droite même s'il trate avec le vent tu t'enrhumes. Tu réclames de la tolérance pauvre zob. Commence par arrêter d'être homophobe. Tes mots transpirent tellement la jalousie. Oh là là, comme tu dois être triste dans ta vie. Et ouais, j'ai des photographes qui foutent dans mes poubelles. En tes mains, une photo de ta sœur en porte-jartel. Ah ouais, on s'attaque aux proches, c'est ça. Tu veux qu'on parle de tes potes, les jackass en bois. Et ta petite cour qui te suit partout. Avec le petit débile et le gros tout mou. Moi, je vais inviter ta maman à dîner. Et tu sais quoi, après, je la rappellerai jamais. Non mec, les mamans c'est sacré, tu peux rien dire, même pas t'en parles. Et les papas? Ouais, les papas tu peux, pas de problème. Et ton père c'est une raclure, une ordure, un relou. Je lui arrache la tête et je chie dans le cou. Ça y est, il te reste plus que les insultes gros. C'est décidé, à la fin de ce round mec, je te mets KO. T'as voulu me test? Oh mince. Comme les médias, je te lèche, je te lâche. Et maintenant je te lâche. Mec, fallait pas clasher Fatal.